Dossier 10. Deuxième partie. La réconciliation. Dans la propriété des parents de la mariée, Corinne et Laura finissent de préparer les tables. Je crois que ça va comme ça. Oui, c'est très joli. Je vais aller me préparer, ils vont bientôt arriver. Il vient, Frédéric ? Oui, on doit se retrouver ici. Tu connais ses parents ? Non, pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, je crois que son père a décidé de mettre fin à cette jalousie stupide. Ah bon ? Comment tu le sais ? Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu, en réponse, un message de réconciliation. Ton père lui a donc répondu. Tu me suis ? Oui, mais ça me semble bien compliqué, toutes ces histoires de messages. Il écrit le sien en réponse sans avoir reçu le vôtre. Mais le principal, c'est qu'il se réconcilie, non ? Tu as raison. Allez, va vite te préparer. L'ambiance est à la fête. Corinne s'approche de François, Joseph et Raymond. Ah oui, toujours volontiers. Merci. J'espère que Bernard va venir prendre un verre. Ah oui, mais plus tard. Si vous voulez dîner, il faut bien qu'il soit derrière les fourneaux. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. C'est comme les patrons. Commence pas à parler de ça, parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Il a raison, François. Des patrons, il en faut. Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Certainement pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Vous aussi, vous êtes une invitée, même si vous jouez à la maîtresse de maison. Un peu plus tard, Bernard et Corinne sont dans le jardin, un peu à l'écart des invités. Alors, tu es content ? C'était très réussi, mon chéri. Bernard aperçoit un homme qui se dirige vers lui. C'est Patrick Duval. Monsieur Lemoine ? Oui ? Patrick Duval, je suis venu pour vous présenter mes excuses et faire la paix. D'accord. On va parler de tout ça autour d'un verre.